L'accueil, le partage sont des valeurs fondamentales à cultiver. Ici Agnès Maltais, députée de Taschereau, qui vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2014. Travail, amis, famille, sorties, ça fait beaucoup à jongler en même temps. Mais des balles, des quilles, des torches enflammées, c'est bien plus divertissant. La 8e édition du Turbo Fest se tient du 2 au 5 janvier prochain à l'École de cirque au 752e Avenue. Pour l'occasion, des jongleurs de calibre international vous en mettront plein la vue. Trois spectacles à ne pas manquer. Le 3 janvier à 23h, CKRL présente le Renegade Show. Le 4 janvier à 20h, le Turbo Show. Et le 5 janvier à 20h, les Parfaits Inconnus à la salle Sylvain Lelièvre. Pour plus d'informations, visitez turbo88.com. La Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste est heureuse de s'associer à CKRL en tant que partenaire fidèle. Depuis plus de 100 ans, la plus grande des petites quincailleries s'implique dans sa communauté en offrant des produits adaptés aux besoins des gens qui résident au cœur du centre-ville. Que ce soit pour des produits en plomberie, électricité, la taille de vos clés ou la coupe de bois, ou pour toute la gamme de couleurs pour vos besoins en peinture de marque Sico et Rona, la Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste sous l'enseigne du marchand Rona est ouverte 7 jours pour vous servir. 298 rue d'Aiguillon, 88 525 5212. Devenez notre ami Facebook. Dans le quartier Saint-Roch, il y a un salon de dégustation Station. Où l'on sert la bière de différentes façons. On y trouve même un Randall. Check it out. Alors là, j'imagine. Tu veux savoir ce qu'est un Randall? Quoi? Non merci. Randall. Tant pis. Étiez de fidèles auditeurs du Voyage imaginaire. J'espère que vous le serez tout autant de cette émission qui prend le relais. Chaque semaine, je vous présenterai une richesse musicale peu connue, voire méconnue, parce qu'elle est en langue autre que française ou anglaise. Dans un monde où le métissage des genres est de plus en plus la norme, je vous inviterai à ouvrir vos oreilles au plaisir d'entendre ce qu'il se crée ailleurs. Les Oreilles Ailleurs, c'est un blog, lesoreillesailleurs.net, les Oreilles Ailleurs en un seul mot. C'est aussi une page Facebook, Orailleurs, O-R-A-I-L-L-E-U-R-S. Vous cherchez ça dans Facebook, vous allez tomber sur la page. Et un compte Twitter, @Orailleurs. N'hésitez surtout pas à m'écrire sur l'une ou l'autre de ces plateformes pour me faire part de votre appréciation, de vos critiques, de vos suggestions. Je vais vous lire avec beaucoup d'intérêt. Mon nom est Michel Monette. Je suis celle qui va vous présenter chaque semaine des chansons dans d'autres langues. Pour cette première, j'ai choisi de vous présenter un groupe libanais, Mashrou Layla. Pourquoi Mashrou Layla? Eh bien, parce que c'est en les découvrant que j'ai eu l'idée et que j'ai décidé de fouiller davantage la scène musicale en langue autre que le français ou l'anglais et de démarrer ce qui était à l'époque un blog et qui est devenu aussi l'émission Les Oreilles Ailleurs. C'est aussi parce que Mashrou Layla est sans doute le groupe le plus représentatif de la volonté de bousculer les tabous et d'ouvrir les sociétés arabes à la liberté. Il y a tout de même des limites que le groupe franchit avec prudence, voire même qu'il renonce à franchir. Dans une entrevue sur les ondes de Radio France Internationale, RFI, on apprend ainsi que le 6 septembre 2012, le groupe a renoncé à se produire à Beyrouth en première partie des Red Hot Chili Peppers parce que ceux-ci allaient aussi donner leur spectacle en Israël. L'intervieweur leur demande si ce n'était pas une erreur stratégique de refuser de se produire devant un tel groupe, avant un tel groupe. La réponse du chanteur, Hamed Sino, Effectivement, cette première partie, c'était une opportunité professionnelle. On l'a pas saisie, mais il est évident que cette situation se reproduira. Ça ne veut pas dire que nous prendrons la même décision à l'avenir. Dans ce pays, les situations ne sont jamais les mêmes. Et on le voit quand on suit le moindrement l'actualité libanaise, à quel point dans ce pays les situations changent de jour en jour. Mais la réponse à la question suivante est intéressante. Et la question, c'est, les groupes indépendants ont-ils leur place au Liban? Non, réponse Sino, c'est impossible d'exister. La musique qui passe sur les radios libanaises est très commerciale. Les médias, les grosses distributions sont aux mains d'une poignée de gens. Donc, quand on ne rentre pas dans le cadre, on ne passe pas. Parfois, certains groupes ici au Québec doivent se dire la même chose. On ne fit pas dans le cadre. On ne passe pas à la radio commerciale. En tout cas, on a d'ailleurs plus d'audience à Tel Aviv qu'on poursuit Sino qu'à Beyrouth. Mashrou Leila est le premier groupe à être sorti de cette scène underground. En fait, l'histoire de Mashrou Leila a commencé par une simple annonce placardée sur les murs de l'Université américaine de Beyrouth. Le violoniste Haig Papazian, le guitariste André Chedid et la pianiste Oumaya Maled faisaient appel à des musiciens pour former un groupe. Puis est venu le premier album sorti en 2009, dont on va écouter trois pièces. Facatine, en fait, c'est la première pièce que j'ai écoutée de Mashrou Leila, et je suis tout de suite tombé en amour avec ce groupe. Min Al-Tabar, vous allez voir, elle est assez particulière, cette chanson. On a l'impression que le chanteur chante dans un porte-voix. Et c'est un peu une façon, effectivement, de donner l'impression qu'il est devant une foule lors d'une manifestation pendant le printemps arabe, même si la chanson a été chantée avant le printemps arabe. Et Shim El Yasmin, tout à fait particulière, Shim El Yasmin. On écoute d'abord Facatine. تذكري لما قلتي لي انك راح تتزوجيني بلا فلوس وبلا بيت تذكري كنت تحبيني مع اني مش داخل دينك تذكري كيف كنا هيك تذكري لما امك شافتني نايم بيت اختك قالت لي انسى عنك واتفقنا نضلنا هيك بلا دور وطنطنت بلا كرافات وصبحية لما كيف نسيتي كيف نسيتيني ومشطيلي شعري وبعتيني عالدوام كيف بتمشطي مشطيني سكتيلي ايدي وعتيني بيشي ثورة كيف نسيتي كيف نسيتيني We'll be right back. تذكري لما قلتي لي انك ناوية تتركيني بلا فلوس وبلا بيت. L'émission Les Oreilles Ailleurs vous est présentée par le والبلد قاعد انتظار والطابور واصل على المطار. صلنا 50 سنة من حرب حرب نفسها ما بننسى والبلد قاعد انتظار والطابور واصل على المطار. عرفنا الدين تعبنا سر اشتقنا نشوف شبعنا من الخرى. عرفنا الدين تعبنا سر تذكر تذكر تذكرني لك يا اخي اوه تنساني يا حبيبي On sent une lente plainte, une longue plainte d'Hachim El Yassim, le chanteur sino, en fait, s'avoue ouvertement homosexuel, ce qui n'est pas rien au Liban. Et la chanson est une porte en fait sur une relation homosexuelle et critique l'homophobie trouvée dans la société arabe. La chanson pose un dilemme dans lequel le chanteur est dans l'amour avec un autre homme et veut avoir une relation avec lui, mais la société ne saura pas en tenir compte. Il dit qu'il voulait présenter cet homme à sa famille, mais il est dans l'homme est dans sa maison et lui est dans une autre. Enfin, il termine la chanson avec autre Zakar Tissani ou se souvenir de m'oublier. Je pense que j'ai cru comprendre que c'est aussi une rupture amoureuse que chante Sino. Enfin, c'est pas celle-là, c'est une autre. On va écouter deux autres chansons. Les premières étaient tirées de la première compilation, le premier album de Mashrou Layla, du nom de Mashrou Layla, paru en 2009. Les deux autres sont tirées de l'album El Hal Romantic, paru en 2011. On va écouter la chanson Habibi. Et là, c'est ironique parce que Habibi, ça veut dire ma chérie. Et en fait, c'est un homme qui s'adresse à un autre homme. Et c'est souvent, semble-t-il, comme ça que ça se produit. Les chanteurs arabes n'avouent jamais leur amour envers une femme. Ils vont plutôt passer par un autre homme. Sauf que là, on découvre et on comprend en écoutant la chanson, enfin, pour ceux qui connaissent l'arabe, que en fait, il y a toutes sortes de petits signes qui indiquent qu'en fait, Sino s'adresse plutôt à un autre homme qu'à une autre femme. Et on va écouter ensuite la chanson « El Al Romansi ». مصرف قليل بس العجب

Oh, merci! Lucas le lira! Grâce à la lecture en cadeau, des milliers d'enfants défavorisés auront accès à un livre neuf, souvent pour la première fois de leur jeune vie. Achetez un livre jeunesse et déposez-le dans une boîte prévue à cet effet dans une librairie participante. À la Fondation pour l'alphabétisation, nous croyons que qui a lu, lira. Plus de détails sur lalectureencadeau.org. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat chez Sillon le disquaire au 1049 Avenue Cartier. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. L'émission Les oreilles ailleurs vous est présentée par le Café Babylone. Lieu de rencontre et de dépaysement, le Café Babylone est une invitation permanente à la découverte culinaire. Laissez voyager vos sens. Au 181 Saint-Vallier-Est, cafébabylone.com. Poursuit notre découverte de Mashrou Laila. Mashrou Laila qui a à peine 5 ans, mais qui a connu quelques changements parmi les membres qui le composent. En 2013, c'est Hamed Sino qui est le leader vocal, c'est Haig Papazian qui est au violon, Omaya Maled qui est au clavier, Karl Gerges qui est à la batterie, Ibrahim Bader qui est à la basse, Firas Abou Fakar qui est à la guitare et André Chedi. Chedid qui est à la guitare aussi. Ils ont actuellement 160 000. J'ai regardé tantôt avant de m'en venir ici. 160 244 j'aime sur Facebook, ce qui n'est pas rien, ce qui est tout un exploit pour un groupe indépendant avec pratiquement aucun soutien des entreprises au Moyen-Orient. Le groupe fait partie d'une poussée de nouveaux bands au Moyen-Orient tels que El Morabab en Jordanie et Zayd and the Wings de Zayd Hamdan. Zayd Hamdan qui a chanté aussi avec Yasmine Hamdan si vous écoutiez Le Voyage Imaginaire au début du mois de novembre. J'avais consacré une émission entière à Yasmine Hamdan, une chanteuse que je trouve en tout cas fabuleuse. Si vous voulez en savoir davantage sur tous ces groupes, en tout cas du moins ceux du Liban, je vous invite à vous rendre sur le site Lebanon, Lebanon, pardon, lebanoneseunderground.com et de là, vous allez avoir accès à différents groupes qui font partie de cette scène underground d'où est issu Mashrou Laila. Et si jamais vous en avez le goût, vous en avez les moyens, Zayd and the Wings sont à Casablanca le 8 janvier 2014. En fait, tous ces groupes ont tous émergé un peu avant ou pendant la période du printemps arabe, créant une fusion puissante de la pop et de la politique. Pourquoi Mashrou Laila? Pourquoi ce titre, ce nom de Mashrou Laila? C'est un titre qui a deux connotations. Ça peut être transcrit de deux manières différentes en arabe. Le titre original signifie « projet d'une nuit », cette nuit-là où le groupe fut créé, puis c'est devenu le projet de Laila, une métaphore envoyée à la société libanaise où le dit prénom est largement répandu. En fait, Rahasouk, le dernier long jeu, celui qui a été produit tout récemment, qui a été produit à Montréal dans les studios Hôtel Toutango, faut le dire, par le groupe. C'est un album qui marque un tournant non seulement dans la carrière de Mashrou Laila, parce qu'on sent qu'ils sont vraiment en pleine possession de tous leurs moyens, mais aussi dans la façon de se mettre en marché dans le monde arabe et même ailleurs dans le monde. Bon, c'est pas les premiers qui font ça, mais ils essaient vraiment avec cet album Rahasouk, R-A-A-S-O-S-U-K, Utremaka, ils essaient vraiment de transformer, de mettre l'industrie sans dessus-dessous, la critiquer et la changer, la transformer. Et pour ça, ils ont décidé de faire appel à tous. Ils ont décidé de faire un appel à un financement populaire pour justement pouvoir passer outre à cette obligation de passer dans le moule dont je parlais dans la première partie de l'émission, dans le moule commercial qui caractérise tout ce qui est diffusé dans le monde arabe. En fait, ils disent que c'est le premier album où ils voulaient se libérer au niveau international avec des normes internationales. Ils voulaient que ça sonne, en fait, comme un disque qui pouvait être joué n'importe où. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont choisi d'enregistrer à Montréal. Ça, c'est intéressant. C'est une entrevue qu'ils ont donnée au McGill Daily quand ils sont venus à Montréal en octobre 2013. Ils ont joué d'ailleurs à Montréal et là, ça, je les ai pas vus en spectacle. Ça va être assez bon, merci. Donc, ils ont vraiment voulu finalement créer une œuvre musicale qui est internationale. Et pour ça, ils sont venus à Montréal. Donc, c'est un triomphe artistique écrit Znika. Znika, c'est une revue culturelle algérienne. C'est un triomphe artistique dans lequel le groupe exploite toute l'étendue de son talent, puisant ses ressources dans diverses influences. On trouve des inspirations de leurs contemporains britanniques de Cook's Falls et Broken Bells, mais aussi de leurs concitoyens, dont Yasmine Hamdan, que j'ai parlé tantôt, ou Ziad Rabbani. La satire politique est toujours omniprésente dans quelques-uns des 11 morceaux qui constituent cet album. Liwatan, le lead single, c'est une chanson qu'on lance avant de lancer l'album. La satire, donc, dans Liwatan, c'est une critique du discours politique ainsi que des politiques eux-mêmes, des hommes et des femmes politiques, tant qu'ils sont perçus par la génération Y, dont fait partie Machrou Leïla. Pourtant, la musique y est rythmée, un message pour inciter les gens à danser pour leur survie. Un message plus évident dans Rasouk qui donne son titre à l'album. Le morceau décrit une société politique hyper formatée et répressive fondée sur le faux principe et inspirée du dogme que des traditions dans le but de mener le peuple par le bout du nez. Wanouid vient compléter ce joli trio sociopolitique avec un message d'espoir. Ils vont quand même donner un message d'espoir. Aimons-nous, aidons-nous les uns les autres pour venir à bout des difficultés et vaincre l'ennemi. Mais qui donc est cet ennemi? C'est le pouvoir en place? C'est le dogme? Ou c'est tout le poids d'une tradition trop étouffante? On va laisser ça en suspens et voir écouter Rasouk, Liwatan et Wanouid. صوتك عم تتلف بالمخفيت بحالة تحرر ضميرك. Some cash. فجر نخلص عدل الهجوم ونعيد ونعيد ونعيد فينا نحمل الصخر فوق الشبل ونرمي ونعيد ونعيد ونعيد فينا نفتح عينينا لما يرموا في أطراف اللون لسه شايفين فينا نرفضنا كل بعض لو الناس شافتنا ضعنا اللون مش يعني Comprenez mon enthousiasme pour ce groupe Mashrou Laila, c'est vraiment bon ce qu'ils font. Et cet album, Rahaso, qui est une belle réussite musicale. On a le temps d'écouter deux autres pièces de Rahaso, Halababou et ensuite Skandar Mahalouf, qui est comme une espèce d'ovni dans ce qui trône au centre, au cœur de l'album, une musique sarcastiquement gay sur laquelle Ahmed Sino invite, non sans indécence de sa part, le fameux personnage à venir s'amuser et à braver les interdits. Et c'est là-dessus que je vous laisse et je vous dis à l'an prochain. Et oui, à l'an prochain, le 4 janvier, le 5 janvier prochain. L'émission qui suit tout de suite après la mienne, c'est Michel Bonaparte, Topic du Capricorne. On écoute à la Babou.